l'antichambre, jeudi soir, 105.9, Radio Hellebore et The Groove Factory, en compagnie de l'oncle Ben. Bonsoir LBR. Et de LBR, voilà. Nous sommes de retour en studio pour une nouvelle émission. Et puis, on va repartir tous les deux 20 ans en arrière, en 1997. On avait des cheveux, on était plus jeunes. Exactement, mais on aimait déjà le rap. Enfin, depuis longtemps, hein, n'est-ce pas Ben? Ouais. Et cette année-là a sorti un album culte, un album de rap français culte. Exactement, c'était au mois de mars 97, donc on est au mois de mars 2007 et on devait 2017. On devait célébrer ça dignement puisqu'il s'agit des 20 ans de L'École du Micro d'Argent, le troisième album légendaire d'IAM. Donc ça, tu vas, comment dire, nous faire une petite review audio de cet album donc culte qui, on va dire, avait été fait de nombreux morceaux et je pense qu'ils en avaient enregistré plus que tous les autres. Effectivement, j'ai relu ça il y a pas longtemps. Ils expliquaient que en fait, il a été fait un petit peu en deux fois l'album. Il y a eu une première mouture enregistrée à New York et puis de retour en France, ils ont fait écouter ça à un autre ingénieur du son qui a dit non, là ça va pas, on peut pas le sortir comme ça. Et puis avec la pression des nouveaux labels qui émergeaient en France, ils ont dit non, on va refaire une bonne partie de ce qui a déjà été fait. Ils ont retouché des morceaux et finalement, je pense qu'ils ont bien fait puisque l'album est vraiment rentré dans la légende comme un des plus grands albums du rap français et qui sait ce que ça aurait donné s'ils n'avaient pas fait ce retravail-là. Tout à fait. Et puis, moi, je vais rester en 1997 aussi, mais je ferai une petite sélection de titres, alors plus ou moins connus, américains de mon côté. Donc voilà, ça permettra de clôturer l'émission sur cette année-là. Donc on se replonge 20 ans en arrière sur Radio Hellebore, sur l'antichambre. 20 ans déjà, mais que de bons souvenirs. Que de chemin parcouru. Voilà, donc tout de suite, donc, l'École du Micro d'Argent. Direction Marseille, la planète Mars. Like a boy game, you can't fuck with the drunk Dreddy Kruger. Blam, blam. two slugs for my rug and I'll move ya. I write rhymes when I'm sober, say it when I'm drunk. The Buddha monk got the skunk. Yo, I smoke niggas like kryptonite blunts. Dog bitches like Snoop, fuck them on my stoop. Then yo, I step the gates and troop to see my nigga, the jizzer who had my bulletproof. Vest for my chest to relieve some of my stress. And now I'm safe from my neck to my waist. But still I gotta worry about a nigga catching me in the face and beat the case just cause he had pace. Get it straight. Yo, I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. Je siège à la table des chevaliers de la basse ronde, noble confrérie de la rime profonde, où chaque guerrier a sa spécificité. Chaque phrase est disséquée, soigneusement étudiée. Notre histoire remonte loin, très loin, mais j'appose là un addenda au dire des historiens. C'est vrai que Shaolin fut envahi par les Mandchous, aidés par des traîtres, ils y entrèrent et brûlèrent tout. Mais ils ont dit aussi, et la faute se profile, que cinq Wans échappèrent. Faux, on était six, et je dévoile à présent la technique ancestrale disant de pratique. On fait de moi un virtuose verbal, on renonce à affronter le gambit. C'est l'échec, au Kung Fu Fu de Mars va éclater tes gênés, les mecs. Le combat serait trop déséquilibré, car Mars, je représente la ville et mon quartier. Crois-tu innover les techniques de Tata, les codes de Mars sur les conquêtes avancées. Tu repartis des gestes que tu calques sur nos pensées quand tu allais en revenir. Crois-tu innover les techniques de Tata, les codes de Mars sur les conquêtes avancées. Partie des gestes que tu calques sur nos pensées quand tu allais en revenir. Leurs voix célèbres, je les entends, ils veulent me couler. Je monte la garde pour décocher les ukulélés. Je te parle, j'en éclaire, kata en l'air. Je viens venger l'honneur du neveu de la sœur de mon père, c'est-à-dire moi, un disciple du temple du Henan. Hold up mental, ils m'ont tous pris pour un âne, mais j'étais caché. Tapis dans l'ombre, rampé comme un puma qui a flashé. Sa proie qui n'assassine que pour mâcher. Attaque au premier son du gong, je cogne trop sec en tongue. Méfie-toi du pied de Chil Chong Chong Chiao. Ma technique c'est Apocalypse Now. Bombardement vocal, verbal, viet, vodao. Je pratiquais alors que tu n'étais qu'un enfant. Soit tu as vu des choses, je les ai vues de mille ans avant. J'explique, j'avais son texte sous le chapeau. Tu swingais, t'es parti sur des airs de chapeau. Je serais large si encore tu te la fermais. Mais laisse-moi te dire quand tu allais en revenir. Crois-tu innover les techniques de Tata, des codes de Mars sur les pocketts avancés. Partie des gestes que tu calques sur nos pensées quand tu allais en revenir. Ouais, point to innover les techniques de Tata, des codes de Mars sur les pensées avancées. Tire partie des gestes que tu calques sur nos pensées quand tu allais en revenir. Petit frère n'a qu'à souhait devenir grand, c'est pourquoi il s'obstine à jouer des sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche Neige et les sept nains. Maintenant les nains on gicle les Blanche Neige et tape éclate des types claques dans Mortal Kombat. À 13 ans il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des booms qui sont désormais des soirées. Plus de sirop dessert, petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures. Petit frère a déserté les terrains de jeu, il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. Petit frère rêve de bagnole, de fringués de thunes, de réputation de dur. Pour tout ça, ils voleraient la lune. Ils collectionnent les méfaits sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait. De donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire. Il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier. Pensez au butin qu'il va amasser. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieux. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. La porte du deuxième couplet, dimension côté obscur, force de l'énergie pure, les voix de la souffrance dure. Ma rime originale, marque déposée, assure mon revenu. Je mets mon cerveau à l'épreuve et nous sommes entendus. De par le globe, ma verbalistique flotte dans l'air du temps. Réfléchir avant d'écrire, le principal élément. Ça paraît si simple à faire, pourtant mon écoute est claire. À part quelques groupes qui carburent, nous kiffons peu les concerts. L'enfer. Quelle est leur motivation première? Fait-il plaisir à tchatcher? Est-ce la crème? Le billet vert? J'opère dans les bas-fonds, serpère du dernier bastion. Mes vers pour le double H, expression de l'opinion. Une partie de la jeunesse n'a presque rien, ou si peu. Quand tu retournes tes poches, la poussière te pique les yeux. C'est clair, l'avenir ne nous réserve rien de bon. Vivant au jour le jour, pour nous c'est la même de toute façon. Nous sommes toujours à l'heure, vivement le troisième round. East est cut tout droit de l'original underground. L'enfer. Quelle est leur motivation première? L'enfer est sur terre, le blanc, le noir ne sont pas roses. Faut-il encore que le sang coule? Ces mots reviennent sans cesse, mais le problème demeure. L'enfer, et quelle est leur motivation première? L'enfer est sur terre, le blanc, le noir ne sont pas roses. Faut-il encore que le sang coule? Ces mots reviennent sans cesse, mais le problème demeure. Les coups partent de tout bord, mais quand c'est que des claques, ça va ce soir. Baston à main nue, pas de gros dégâts, les gars sortent pour jouer des quintos, des gaines et des pointos. La terre, ciao, crève à bientôt. Personne ne bouge, ils demeurent sur leur garde tendue. Au cas où un gadjo les regarde de travers, c'est l'enfer. Si que la mer, trop pervers, de droit coup par derrière, embrouille pas au revolver. Pour le plaisir, mais le plaisir n'est-il pas de rire? Un bon délire, avec son équipe, ça fait frémir. J'ai besoin d'un break, cette fois-ci c'est clair. Quel est leur but, leur guerre, leur motivation première? D'ailleurs, mes mœurs, ça sorte pas avec ces railleurs. Assis en tailleur, je suis bien meilleur, un vrai seigneur. La violence m'exaspère, c'est type me sent antipathique, surtout quand elle est gratuite. Un homme est un homme avec ou sans le chrome. Se battre pour la réputation, c'est se battre contre les fantômes. Sur frère, tes agissements sont terre à terre. Faire parler les points à chaque sortie sans arrêt, c'est l'enfer. Et quelle est leur motivation première? L'enfer est sur terre, le blanc, le noir ne sont pas roses. Faut-il encore que le sang coule? Ces mots reviennent sans cesse, mais le problème demeure. L'enfer. Quelle est leur motivation première? L'enfer est sur terre, le blanc, le noir ne sont pas roses. Oui, oui, tout cela ne me dit rien qui va. Bœuf dans la place, alias l'impertinent. Marche ou crève, y'a pas de trêve, ça continue. Le film de la vie, là où l'acteur est un inconnu. Un type qui passe et face, hélas, un gosse innocent. Une justice qui glisse comme le vice sur nos enfants. Plantant votre enfant, prenant du bon temps. Distancé, jamais attendu, d'ici gars, j'entends des sirènes. Bah, celle de la scène, la police, coulisse du vice. Délice du délit, du préjudice. Des gars qui courent, des complices. Fils des comptes tout court, qui font tout pour. Qu'ici la vie soit chacun pour soi et Dieu pour tous. Rakshi, pourquoi tu tousses? C'est toi qui pousses, mes frères à bout. J'arrive à la rescousse, pousse-toi de là. J'fais mes affaires, c'est dur à faire. Par là, je pars là, mes scars là. Ce que j'ai à faire sur la terre, frère, c'est la guerre. Au stéréotype, j'flaire pas. Mon but c'est de pas rester terre. Pas là, j'fais ce que j'peux avec ce que j'ai. Donc de plus en plus, j'rate des bus. Mais pas ma vie, quand je donne mon avis, j'modère mes envies, j'avisais toujours en quête de réalité. Comme AST, la ETP. L'enfer. Quelle est leur motivation première? L'enfer est sur terre, le blanc, le noir ne sont pas roses. Faut-il encore que le sang coule? Ces mots reviennent sans cesse, mais le problème demeure. L'enfer, et quelle est leur motivation première? L'enfer est sur terre, le blanc, le noir ne sont pas roses. Faut-il encore que le sang coule? Ces mots reviennent sans cesse. sans cesse, mais le problème demeure. Il est déjà à la fenêtre quand le réveil sonne. Il regarde la cour, mais il n'y a encore personne. Pourtant, dans quelques heures, le silence ne régnera plus. Beaucoup de jeunes viendront y passer une journée de plus. Vaincus par l'oisiveté, où l'art allait pointer. Pour rien, certains iront gilet devant les plus jeunes, émerveillés par tant de billets. Le genre de gâteau qu'ils se languissent de goûter. Déjà résignés à suivre le chemin qu'il aurait tracé. Ils ne pensent même pas à lutter. La vie est un film où tout le monde a un rôle à jouer. Le problème c'est qu'il y a trop de séries B, trop de second rôle croulant sous le poids du premier. Trop de modèles sur lesquels ils vont calquer, de leur démarche jusqu'à leur manière d'être. Ainsi ils ont l'impression d'ouvrir une fenêtre. Quelle est leur motivation première, je n'en sais rien. Peut-être aiment-ils vivre le purgatoire au quotidien. Le regard extérieur, ils se disent c'est pas de leur faute. Cette fois il a raison, l'enfer c'est les autres. Dangerous. Sur un papier, compose des textes et des scandes. Oui, ma langue est déliée, mon délié de parler haut. Relater ce que mes consorts n'exprimeront jamais dans un micro. Les camps sont marqués, nous sommes simples lecteurs. Mais rien n'empêche d'apporter plus de terreur dans leurs erreurs. Je pensais même pas les effleurer, mais j'ai dû déchanter quand le juge a voulu me convoquer. Ce n'était pas la première fois pour un groupe de rap que la censure frappe et les citations tapent. Va donc, je me suis dit, le texte est cool, y'a pas de hic faux. J'étais devenu l'ennemi public des ascétiques. C'était clair, les hauts placés voulaient mon trophée. Un mois après, ces endophés bloquaient mon dossier. Ce que le cinéma se permet, la télé, les livres et les magazines, pour nous c'est prohibé. Incitation à la violence, c'est comme si pour chaque meurtre on inculpait Jack Balance. J'ai des problèmes de communication, les RG écoutent toutes mes conversations. J'en ai des frissons, ça perturbe ma vie. Ma haine grandit chaque fois que minute écrit. À déblatérer des mensonges malsains, demander à ma mère si son fils est un assassin. Il déclenche ma revanche à leurs dépens. Si je pouvais vivre loin des serpents, je croyais être un type sympa, un père exemplaire merveilleux pour eux. Je suis dangereux. I am dangerous, dangerous. On m'avait dit qu'un jour je serais classé fiché, tout simplement pour avoir exprimé mes idées, aborder des sujets jugés tabous, mis sur papier tout ce qu'il se passe autour de nous. Je pensais vivre dans un pays libre, naïf. J'ai compris qu'indésirables sont les esprits non passifs. En refusant d'être un mouton, de rentrer dans le troupeau, de fermer les yeux et de tourner le dos au format dans lequel ils tentèrent de me faire entrer, je me suis vu qualifié de rebelle d'une société hypocrite où certains ont tant de pouvoir qu'en toute impunité ils peuvent cracher sur l'histoire. Ce noir constat m'oblige à prendre des risques, à libérer ma pensée, à devenir un journaliste, un fugitif, un dénonciateur, un haut-parleur trop souvent placé au centre du viseur de ceux qui se croient à l'abri de l'œil avisé de gens à l'affût et qui ne laissent rien passer. La liberté d'expression, vaste plaisanterie, l'écart est grand entre ce qui s'entend et ce qui est dit. J'énonce des faits, bien que ça me coûte des photos sur des murs, des téléphones, sur table d'écoute. On me reproche de crier trop fort ce que je pense, de mettre un miroir en face des gens, ça, ça les dérange. Et si le blanc représente la pureté aujourd'hui, même en plein soleil, tous les chats sont gris. Je voudrais faire le bien et rien d'autre, mais pour eux, je suis un mouton galeux, un mec dangereux. Mars et mon turf, Mac aussi puissant que ce putain d'argent sur le surf. J'ai tout pris en main et les condés se tâtent pas les raquettes. Je suis libre des vapeurs d'eau écarlate et des tubes de colle à coups de latte. Les consonnes, les voyelles sont toutes à quatre pattes, propres et nettes. Linguistique pure, style manteau en fourrure. Et ma vie a pris une autre tournure. Je ne sais pas où cela me mène, mais même ceux qui m'aiment me décrivent comme étant un schizophrène. J'ai mis les mots au tapin pour la sensation. Trottoir, les syllabes, prostituer la diction, les lettres. Travaillez pour moi, le dico est mon territoire, un pays dont je veux être le roi. J'ai traité des phrases comme de vraies dames, tirer les plus belles pour les mettre en vitrine comme à Amsterdam. Si tu veux la qualité normale, tu payes cash, ça arrache à consommer avec un choc de hache. J'ai des potes dans la profession, c'est pas la mode, mais pourquoi crois-tu que J.O.S. s'appelle Monsieur Claude Petit? Parade avec tes illusions de Benz. J'ai une merde sur le marché parce que tes phrases sont Renz. C'est dommage, t'inquiète par le chômage, mon organisation est trop en place, c'est bien trop sauvage. Ma famille vient de ce quartier qui faisait peur à Hitler, où la French est née pour niquer la terre entière. Je m'en souviens encore, mais pourtant je devais être petit. Scarface n'est pas un rêve, il a existé ici. L'italiano prend la relève 20 ans après. C'est tout notre monde, c'est tout notre marché. Je suis distrait, distant, dispo, prêt à disparaître. Mon discours éternel, seul un rêve peut renaître un jour sous une forme nouvelle d'un novice. 26 lettres, 100 000 mots à son service. N'est pas ma qui veut, mais je croise des concurrents sérieux. Alors je redouble de travail et serre le jeu. Si tu veux la bombe, tu racks Ronald. Ça se passe comme ça chez le Mac. Tête rasée, réapparaît. Moi non plus j'ai pas changé. Toujours prêt à dégainer mon micro. Penché sur une table, envoie le morceau. Vérifie la console, qu'elle fasse bien son boulot. Ouais, c'est comme ça avec le mic et les sampleurs. Au doigt et à l'œil. Alors qui c'est l'empereur? La MPC travaille pour moi très dur. Et au moindre bug, je la colle au mur, c'est sûr. La dernière mélodie que j'ai recrutée, c'est prise de gifle quand elle a refusé de se faire troncater. En fait, je suis le seul boss du matos. Tous les cadres qui font les Macs tombent vite sur un os, et tout le monde y a droit. Qu'est-ce que tu crois? Les lettres, elles aussi taffent pour moi. 26 mètres, chacun sa chacune. Deux claques sur les fesses et vite par ici la thune. C'est comme ça que dans mon job ça se passe. J'ai beaucoup d'employés et je ne paye rien d'allure SAP. Et je n'ai pas eu depuis longtemps à sévir. Elles ont réalisé que leur plaisir est de me servir. Si elles le font bien, je les place dans des phrases. Promotion sociale pour elles, pour moi, ha, plus de liasses. Mais le fin du fin, c'est le couplet. Quand elles y sont arrivées, c'est qu'elles sont classées top dans mon carnet. Celles qui attendent de moi un geste en retour ont beaucoup d'espoir. D'ailleurs, elles courent toujours. Je table sur la qualité, pas la quantité d'un service organisé. Créé pour vous faire planer, on y trouve des plates, des croisées, des embrassées. Choisissez chacune d'elles à sa spécialité. J'ai dû transpirer dur pour y arriver, mais ça sert d'avoir de la famille bien placée dans le métier. Le prox de l'apostrophe, le jules de la virgule. J'aurais dû faire du foot, j'ai toujours eu le sens des putes. Surtout, ne viens pas taper à ma porte sans des Dutch marks. Ça se passe comme ça chez le Mac. Ça se passe comme ça. Voilà des heures que je médite. Sur ma montagne, je n'arrive pas à faire le vide. Je focalise sur le diaphragme. J'augmente mon énergie. Réveille la bête qui dans mon âme est tapie. Je viens de terminer ma préparation mentale. Ils vont goûter à l'incomparable style du Serval. Le souffle des quatre vents décuple ma puissance. De longs mois de travail ont exacerbé mes sens. Je crée un déséquilibre interne volontairement afin que le côté yang soit le dominant. Les pieds solidement ancrés dans la terre, je tire les dernières forces de la nature mère nourricière. Je mène les troupes au combat pour défaire les guerriers en contreplaqué de l'école du micro en bois. Notre bannière flotte au sommet du tsunami, annonçant fièrement la charge du micro d'argent. En plein cœur de la bataille, je sème la terreur quand je frappe des stockés de taille. Je sens l'esprit du félin m'envahir à ce stade. Seul le sang me procure du plaisir, mes griffes gravent les couleurs de l'empire plus grand que celui d'Alexandre dont je suis le défenseur. Ha ha ha.

du côté obscur de la force avec I Am. On s'est écouté quasiment tous les morceaux de l'album, sauf quelques-uns. Il fallait en retirer un ou deux parce qu'on n'a qu'une heure d'émission et que je voulais te laisser de la place. C'est bien gentil tout ça. Il faut se rappeler donc un album aux productions qui était vraiment au top. Des lyrics pareil, avec cette fameuse expression culte et mystérieuse de monsieur Malek Sultan qui était « je te mystifie comme un Twix ». Ça, ouais. Je pense que les plus grands chercheurs se pencheront là-dessus, on sait jamais ce qu'il a voulu la dire. La question va perdurer encore longtemps, quoi. Mais c'est bien de créer des légendes comme ça. Tout à fait. Non mais voilà, puis donc ils sont quand même d'actualité, I Am, avec un nouvel album. Alors je sais plus le nom de cet album... Révolution. Révolution, avec, voilà. Le rêve. Donc ils sont encore là, hein, ils sont encore sur la map. Ils sont encore là, ouais, mais bon, c'est vrai qu'ils sont montrés très très haut avec cet album, ils ont... jamais réussi à atteindre un tel sommet, mais bon, déjà une fois dans sa carrière, je pense que peu peuvent en dire autant, quoi. Tout à fait. On reste en 1997. Eh ben allez. Et on part donc du côté outre-Atlantique avec donc une sélection hip-hop de cette année-là. Donc avec, on va commencer avec un morceau qui s'appelle New York de Monsieur Rakim, tiré de son premier album solo, je pense, ou deuxième, je sais plus. Il s'appelait de Saga Continue. Non, de vous, je sais plus, tout mélanger. Voilà, donc en tout cas, et puis après il y aura d'autres artistes et peut-être qu'on débriefera ou je sais pas, on verra. En tout cas, tous ces titres, que ce soit ce que je joue ou alors les morceaux d'I Am, vous les retrouvez sur la web radio The Groove Factory, sur le site www.radio-elebor.com. C'est ça, bon, tout est dit. Je ne suis pas trompé. C'est parfait, donc on continue sur les 105.9 de Radio Elebor avec cette sélection 1997. And death, no regrets. Life's a test, a trife with special effects. Neighborhoods full of reps. Cities of projects where the young cadets get stripes from the vets. And comrades, the quest to be the next to finesse. Collect debt and select best with death threats. Object, cheddar, better your total net. With trends and seven ways to express their outfits. Friends get wet, trying to make ends connect. Avenues to check, boulevards to sweat. The smell of gun smoke's more common than cigarettes. We got clicks for wreck, we like pits for pets. We got Giants and Jets and Knicks, Yanks and Mets. We like much respect, sex extra wet. And high tech dialect, you ain't catch yet. Yo, this Esco, who this? What's the dilly? I just touched grounds down in Philly, bought a pound with me. Fast floating around silly, trying to find limb. Bitch supposed to be in the Benz, parked in Road 10. Her and that slow ho Gwen, should've known she was a bitch. That we both could've boned if posted alone. Top. You got arrested, shot a fair one with a cop. That ain't your steam. They usually shades. Rhyme grenades raid the airwaves, cast this rap page. I glide like hovercrafts on the Everglades. Boom master with the faster blade, track slasher. Manufacture bones to microphones, bones fracture. Limited edition composition, spark friction, non-fiction. The calm bomb, keep your arm distance. Zero tolerance, dominant intelligence. War original, true colors stem from the melanin. The most high, most try to get close by and overthrow I, but choke with their hopes up high. I circulate the tri-state and vibrate beyond the Richter. Fly sister flock when they spot this live nigga. The crowd seduce a black and third eye before I lose your verbal high. Leave styes in the eyes of Medusa. Top 10, probably like Cochran. It's Sharpton, narrow margin of your odds to dodge the marksman. Murder rap, kill your soul like Roberta Flack. Words attack like a British bulldog, observe the stats. Meaning the beginning, so I got the microphone, 1, 2, 1, 2, here I go again, ready what? To do damage, but just a little bit slower to let you know rage is that never cool flow, yes. Blower, I'm smooth and creamy, milky, silky, steamy, eyes get wet and dreamy every time a brother see me, what? Cause they can't understand the gift, the tongues that left them standing still and dumb, in the dust day I bust what I must and I must, son, continue to crush those that rush, play dumb and got done, yeah, you played the high stakes and got baked, try to be icing and wound. Translate, meaning I broke them down to the least common denominator. Not afraid of a sucker, cause I drop them like a hot potato. What later? If it's still for you, wanna be your instigator, dance, cross the fader. Cause no one is great. I be that chick with the hits and I'm hitting it. I be that chick with the lyrics and I'm spitting it. Microphones, I'm definitely ripping it. So come, come, come again, get now. It's like bang to the boogie. I'm one tough cookie. Bet you what? Bet you bite a clip loaded with Liverpool or some niggas. I hit with my spit. Fire bullets with licks from my tongue, so watch me pull it. Take it to the hilt, I'm thick like quilt, cool like silk, I'm creamy like milk. Okay, now let me break it down to the slab. Silly rabbit, you can't get with the wickedness. You got to have true grit and feel it from the gut to the hut. Move that butt, cause I'm ripping shit up. Make them fall a victim to my death flow. Liverpool murderer, that's why I'm on death row. Injection couldn't fade me, so Sugar and Dr. Dre scooped me up and paid me. Now I'm hot, rockin' rough and stuff with my afro puffs. I'm hot, blowin' them away like the big bad wolf. I'm huffin', puffin', blowin', no bluffin'. When it comes to the rage, I ain't nothing nice. On stage of mics, lights, camera, even J. Ru calls me the damager. Cause I be that chick with them hits and I'm hitting it. I be that chick with them lyrics and I'm spittin' it. Microphones, I'm definitely rippin' it. So come, come, come again, get with the wickedness. Make position to squeeze, the head burner cooking. Emanate funk and grab a violence, please. I pump kinetic but unintentional violence. Wanna battle, one of us has ended up in God's palace. Now my shit's official, the Megaton missing. Biocomputer virus with flesh eating potential. I'm convinced future MCs are sending robots back in time as we speak to kill my mother before I'm born. Be warned, you catch a high place engine. Nucky, you're just the engine. On a vision quest, but my breath is on. Bad intentions to hurt the lyrical peak in my inventions. Hope flow providing DJs with turntable weapons. Snatch that disco daddy, Father Pop's branch. Eliminate pretense, turn rocks to sand. Rockin' low budget Doctor Who special effects, and that's happening. You never get above where you at. EL dash, P your server, smash for your bootleg. And building up a fat nest egg. I say fuck you, it's easy. Say it again, fuck you. Love, love the rock bottom beats for the flicks. Two haven't made a single paper, but I'm still in the mix. One of the many young pollution breathers knocking out sequence. Life's an L-O-T-T-O. Carry a swift for self-defense. Rappers try to front, but when I rhyme, where that beef went? If I'm just a reflection, then I'm taking over. Mirrors Warlock to Mac, calling them status. Maybe that's clearer. What you thought it wasn't, it means the brothers representing the 30 dozen. shady. Brain dead like Jim Brady. I'm a M80. You little like that Kim lady. I'm buzzing. Dirty dozen. Naughty rotten rhymer. Cursing that you play is worse than Marty Schottenheimer. You whacking in the motherfucker you bitch your style from. You ain't gonna sell two copies if you press a double album. Admit it. Fuck it. While we coming out in the open, I'm doing acid, crack, smack, coke, and smoking dope then. My name is Marshall Mathers. I'm an alcoholic. Hi, Marshall. I have a disease and they don't know what to call it. Better hide your wallet because I'm coming up quick to strip your cash. Bought a ticket to your concert just to come and whip your ass. Bitch, I'm coming out swinging so fast that I make your eyes spin. You getting knocked the fuck out like Mike Tyson. The proof is in the pudding. The stats is Sean Holtman. I'll slit your motherfucking throat worse than Ron Goldman. So when you see me on your block with two blocks screaming fuck the world like Tupac, just don't give a fuck. Talking that shit behind my back. Dirty Mac and telling your boys that I'm on crack. Hey yo, it's ill when I'm heated, how my heart stay cold. Ride around and make the gas around the map explode. Now behold the burning malice of a treacherous soul. First time I shot a gun, dude, I was 12 years old. But since then, I never put her down, my friend. She go to war when I tell her, fuck her, who, why, when, to the end. Indeed, it's good to have an eye knee. Even better when you can shoot back and not bleed. Take heed, popping like an L full of C. My team is getting bigger, got more mouths to feed. Shorty, let me tell you about my only vice. It got to do with lots of money and it ain't nothing nice. It ain't nothing nice. Corona. Hey, you believe in God? You do? Tell him to save you. Cause me and these niggas here, we ain't trying to pay you. Regardless of the fact that it's close to home, I gotta finish your life so I can start my own. Believe in God? You do? Tell him to save you. Cause me and these niggas here, we ain't trying to pay you. Regardless of the fact that it's close to home, I gotta finish your life so I can start my own. My own, nigga. And yo, my audio's guaranteed to lift the audience. It was that time again. So we gathered up 40 men, 40 ounces. Trees burning, heads bouncing. Dollars is the mission. Sitting in a yoga position. Isolate my mind from your bitching. Pulp fiction. Lose you in the mixing. Let's get this popping. Lock down the top 10. Knock these pretty boy cats on their ass each time we drop, kid. Yeah, you know how we coming. Raw grooves with the funky drum drumming. And when my song goes off, you'll still be humming. Nine your head, all singing my chorus. The after midnight theme. Four in the morning, blunt fiend, peeling Dutches. Fill them in like taco shells, grilling judges. Grilling Jake with half a cake, get my coat. Pointing gas like remotes or cats for their federal notes. Tossing bodies off boats. And you believe in God? Tell them to save you, cause me and these niggas here, we ain't trying to pay you. Regardless of the fact that it's close to home, we gotta finish your life so we can start our own. For the money, don't front. I got you open, rock the spot real hot and burn you up like global warming. Intricate when I speak it, write it, then I freak it. Let's send this party out. Tell me that I'm sweet kid. Hit my NOVs when I'm rocking MICs. Just chillin', parlay still while we flexin' poetry. This is wise MC, combining with intelligence. Come in my circle, cipher black, what's the circumference? Ladies tell me that they need it. Rock my style, then repeat it. Massage your whole frame like my flow is orthopedic. This Frankensteinism, knowledge multiply the wisdom. So you can get it straight and calibrate your inner system. I be rotten to the core, even more than you imagine. These other rappers rapping guarantee and satisfaction. I'm blessed, coming through with this verbal action. Knocking suckers at a date like your mom is old fashioned. I watch your back, you watch mine. Drop a line, grim lover combined. With the Frankenstein, ayo, I watch your back, you watch mine. Drop a line, grim lover combined. With the Frankenstein, ayo, I watch your back, you watch mine. Drop a line, grim lover combined. With the Frankenstein, uh-huh. I watch your back, you watch mine. Drop a line, grim lover combined with the Frankenstein. Yeah, the pioneers will bring the cheers to your ears. You sneer but never come near. You're shedding tears for fears while we steadily riding on the beat. Complete, walking the street, getting down to the real meat of the matter. The disc with the data, the piss in the bladder. My mind's flattered and shattered. MCs have too much chatter. Best shut your mouth and just listen to this ill proposition from the grimmest love mission. I condition like air, shine like flares. When I intertwine a rhyme with Frankenstein, stand clear. Here's the real McCoy, Boogie Boy. boy from the mines, Grimstone, the ruler tongue. As I drop these lines and combine rhymes with music and use it for these MCs who sees the real. On this mic I reveal, still pathetic. Punks wanna protest the crown. We gets down with the sound that will shake the ground like an asteroid. But I'm annoyed, y'all niggas destroyed with the mighty monolith. So you should be paranoid, null and void. That's how your rhyme scheme seems from the team. With rhymes that shine like high beams, visines necessary to get the red out. I let out a whole mass of stress when I bust zest. But nonetheless, I keep it flowing for days. Treat the mic like gas when I spark. I make it blaze, check the ways. I displays my lyrical tactics. Heated in the zone, spinning on my own axis. The fact is, you got simplistic raps, while this lyrical mind got lines like roadmaps. I mean that, you never been fat, never seen that. You chaps slap the apps, but wind up with craps. Perhaps I should get a witness. Why not win this? And I bet I mind in business when the grimace get in this. I watch your back. You watch mine. Drop a line. Grim lover combined. With the Frankenstein. Hey, yo, I watch your back. You watch mine. Drop a line. Grim lover combined. With the Frankenstein. Frankenstein. Frankenstein. Frankenstein. Sometimes. Yeah. When all alone, so I've been waiting I for get shit. This What? Yeah, shed it. Right here, right now. You know what I'm saying? You mom thug, what? You mom thug, 252, enforce the planet. Gaddafi got chipped, Michael Telly and your merit. Told me everything that you said, dirty bastard. Sat back laughing, can't believe these niggas assing. Still listening, got the platform to piss in. Secluded mission, want a mission, no conviction. Tell for scalp stashed in my couch, what surprised me? Petty cash, key stash, drop Maserati hash. Blaze it up, little man from past. Freddy Krueger tragedy, 20 year capacity. Whole ladder on your shoulders, $1 million boulders. What nigga getting down from my weolas? Title B 252, exclude you. Come together like dime piece on vodka juice. Yo, exotically I hold gas, melodically bust raps. Part of me lust for acts with the wings in the back. Besides that, I overthrow the Jakes just to free blacks. Clapping COs, busting POs in their kneecaps. Level almost like a child playing his mom's close. Or a newborn thug holding a chrome toast in the duplex. Sunset calling the Fatiha. When I have sex, ma, it's like the Mardi Gras. Illumina, visualize I, Selassie high. Thug until the day I die, swerving in the third eye. What? CNN, yeah. CNN once again. Capone and Noriega, live, live, live. Illegal life, illegal life, illegal life. Take over, son. The old shit, yo. Let him know. Section 2, 57 ass. Yo. We hate the law, so we break it. Break it. Glory to this life, there's no way to escape it. You either make it or you take it. If the game's in you, dedicated, stay true. Illegal life. We hate the law, so we break it. Glory to this life, there's no way to escape it. You either make it or you take it. If the game's in you, dedicated, stay true. Yo, I was in Ramada, laid up with Gold Saga. Jungle Room, cowboy hat around June. Managa had the 45th Draga. Capone and Noriega, the saga, Sega, Mega, Network and Bodega. Dream Marvelous, Scandalous, Black Mantis, Illegal Life. It's like my air life. We be alike, hustle night to light. Desert Storm and cold form on your norm. Run through, hard boy yo like John Woo. The Lord we hate, and drop a kick cut like mixtape. Spoil cold plate, you buying fake weight. The next day, call to play the store Jake. Jesus, Caduce, claim Bishop and Juice. Bloody up your goose, now who scream for truth? Left rack is high rack, illegal life car track. Keep them back, load up the Big Mac. Lights, camera, action, the more. One more time to kill it. Rap goes to fill it. I scream with the Beastie Boys. What time is it? It's 2 o'clock. You're getting knocked out the box and kicked off the block. Death squad, hit squad. No, we won't stop. Fucking call the cops. I be the invincible. In the school of hard knocks, I'm the principal. Batman Joe, you know. Concussions coming through the blaze, busting crime scene, constant drama. Niggas ducking when we come through, throwing a jab in the 1-2, laying MCs out trap when we run through. Like what? Like a marathon, flooded with the diamonds on, get my rhyming on, even these fucking shining on. Back to biz, new address with the fat crib, my shit in the whiz, polying with the big wig. I'm off the hook, look, these my competitors shook. No matter what groups you book, I still jam like Sam Cooke. Took a whole click out and had the sound man flipping with the wicked freestyle and shit on niggas with the rip. Check my computer type graphics. Niggas get their ass kicked quick if they try to flip like ashes. Never passive, as is. Yo, you see the flow, yo, what happened? Check how them niggas rapping. The clap of the crowd be showing me love like Cupid, loop it back. Shit slams like I dished off the shack. My crew stay strapped with battle raps on cap. We ready to clap on chaps who make up half you suck a rap act. I'm intact with facts. MCs can't compete with these treats. And Sean JP with the beats. Unleash talents, balance, styles extraordinary with the vocabulary. No other berries. We know schematics or raps, the yak tricks. Only if you can reach status. Artifacts, techniques can freak from here to Dallas. Leaving you to clean up like you Alice. Shit stick like smoke from out the chalice. The week we embarrass, showing no pity on your city. We either play you live or have you taped in like MIDI. The Brick City Committee coming through a nigga's sound set. This round's for all our niggas that didn't get down yet. Ashes to ashes, dust to dust. From up the back of the bus, the 31 bum rush. Cruise me breeze, do you don't know you need to? Tell the sound man, don't touch nothing but the EQ. Ashes to ashes, dust to dust. From up the back of the bus, the 31 bum rush. Get down and explain why they call me Frog. My lyrical techniques is complex, no one can solve. They call me the BLACK, ATACACK, holding it down and know it's representative around your way. It's problems and black attack, don't get this shit misunderstood. Come and do your hood. If you could, you would, but I think you should play the back. Why? My man Black Attack, attack the track. Got your max back, shit, I kick more addictive than crack. Puffin' fat sacks of lethalness, son, I represent it. Open tracks up like carminers to leave you niggas dead. It's time to show text, as far as mic text. I play competitors like Dutch Masters and rabble your tech. Techniques to blast you with the buck 50 banger. Right down the middle, we'll pull your heart out. Pull a line, let's get lied out. I'm motherfucking mine, spark dimes on a regular basis. Run through tracks like Tiger A6. I can take six and kick it a cappella. And Rockefeller like Sean Carter. Cross and Black Attack, come and do some when it be time to rip the track, I flip it back and forth acrobatically. Add up my lyrical style, start to rhyme mathematically. Erratically, wow, well, like to you never touch my style. Make a you can ring the drum. I'll make it click, take a pause, call the scholar. Rewind it, going to at it. If I shoot you, I'm brainless. But if you shoot me, then you famous. What's a nigga to do when the streets is watching? Blocks keep clocking, waiting for you to break. Make your first mistake, can't ignore it. That's the fastest way to get extorted. But my time is money, and 25, I can't afford it. Beef is sorted like a diver. Sharpest as you bought it, I pull a slide back and cock it. Plan to board it, you and your mans get a pass. This rhyme, you're operating off time. Y'all niggas ain't worth my shells. All y'all niggas trying to do is hurt my cells and stop trips to John McNeil. The type to start a beef then running the cops. When I see you in the street, got one in the drop. When I'd rather be on tour getting 100 a pop, taking pictures with some front of the drop. The streets is watching. Streets is watching. Blocks keep clocking, waiting for you to break. Make your first mistake. That's three. It's hard not to kill, Nick. It's like a full-time job not to kill, Nick. Can't chill, the streets is watching. When you froze your arms, Nick wanna test you when your gun goes warm. Can't get caught with your feet up, gotta keep your heat up. Sweet Nick running around swing shit sweeter. Once you tag lane, the game is follow the leader. Everybody want a piece of your skrilla, so you gotta keep it realer. Kidnap Nick, wanna steal ya. Broke Nick, want no cash, they just wanna kill ya. For the name, niggas don't know the rules. Disrespecting the game, want you to blow your cool. What's your name? My name is O30 Bastard. I'm an alcoholic. Yeah, me too, nigga. You're now rocking with the Knicks, so start reaching for the ozone. I see some girls I know, but y'all look different with your clothes on. What's up, though? Taz can't steal it like the Grinch, while I'm leaving niggas puzzled like I said my shit in French. But it's all old English that I'm bringing from beneath. Try to bite my style of wax and watch these lyrics crack your teeth. Cause I make words connect like West Side when I test glide. My drunk and lyrical hang glider. Nobody's tighter than a rough rap provider. With 90 ways to peel ya, so I know the three words. Tash to kill ya. Sound familiar. I filter out the weak every time I speak. I drink to hit the peak to make my mind go. I'm deaf to defiant. You rapping like my client. Trying to scrape me for the style that slam harder than Kobe Bryant. Be quiet. This is liquidation from the West. Motherfuck your boozy show. I got my own yes, again. Breaker, breaker, breaker, 1-9. I bust this bitch in the behind with the silver shine. Cause she thought she was fine. She winked at me. I thought it was fine. Cause they are popping this hoe is mine. I had the alcohol in me, took my time. Let a nigga rotate, turn on your table. Put the diamond needle, bullet to your ego. What, you the king in the chair on my ground? The Tyson of sound is 20 seconds to a round. Savage a nigga, use a shrimp. A full line of shit, my ear can't digest it. Stop drinking all that motherfucking water. Let's take it to the land. So I can Godzilla up your shit. Mr. Tiny Tim, man. Niggas be creeping up my beanstalk. When I start to come down on your fucking ass, you try to chop shit on up. Get these nuts. Motherfucker, what? The road pimp the flow like a hoe. So I should rap on the microphone. My rhymes hitting hard enough to crack a bone. I devise swear MCs like math. Bend you in half and drink a genuine draft. I stomp him. Then I skeet out without a wampum. When he's laying on the ground, I let my dog Skrilla chomp him. Switch rails. I feels it's all about skills. The outcome's unbelievable like Tyson Holyfield. Your lyrics are loners. Return them to their rightful owners. My style is wild like G's all over stoners. No need to act.